Et Raymond Poirier est avec nous en studio pour parler TI, technologie d'information. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Raymond qui est chargé de communication à Alitis, d'où sa présence et surtout son expertise pour nous parler de l'économie des applications. Exactement. Continue à regarder un peu de manière vulgarisée cet univers-là. Et je me suis dit, mais de temps en temps, ça peut valoir la peine de prendre quelques instants, de s'asseoir et de dire, bon, on parle beaucoup d'applications, mais concrètement, en chiffres... Ça vaut-il la peine? Ça représente quoi, ça? Ça vaut-il la peine? Eh bien oui, là, évidemment, là, je pense que j'en surprendrai personne en disant cela. On parle, par exemple, du cabinet d'analyse de marché mobile Flurry, qui disait que l'utilisation d'applications mobiles avait augmenté de 115 % en 2013. Mais c'est sûr que... Il y en avait moins avant. Et là, plus ça va, plus il y en a. Donc, exactement. Ça aide à avoir des chiffres astronomiques. Et ça double ou presque ou plus même à chaque année. Bon, évidemment, par utilisation, eux entendent lancer une application sur un terminal mobile, donc pas nécessairement le nombre de téléchargements. Par contre, l'utilisation des applications mobiles, si on parle de messagerie, de réseaux de communication comme Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, si on parle d'une hausse de 203 % en 2013, et les applications utilitaires comme, par exemple, lampe de poche, eh bien, on parle d'une progression de 149%. Donc, c'est sûr que si l'ombre de poche compte aussi, ça reste une application, c'est vrai. Oui, mais c'est pas pour rien qu'ils l'ont intégré dans les versions subséquentes, on s'entend. Ouais. Au niveau de Gartner, on dit qu'il y aurait à peu près 102 milliards d'applications téléchargées en 2013 depuis les boutiques applicatives mobiles, contre 64 millions en 2012, donc une progression de 62% également. Une immense majorité des applications téléchargées, donc 91%, sont gratuites au départ. Donc les gens sont moins prêts des fois à payer pour une application, peut-être un peu plus pour payer pour des ajouts de services une fois qu'on a téléchargé l'application. On dit même que la part des applications gratuites pourrait passer de 91% en 2013 à 94% en 2017. Donc c'est vraiment la tangente qui semble s'imposer. De leur côté, les 9 milliards d'applications payantes téléchargées auraient généré un chiffre d'affaires de 26 milliards de dollars, ce qui est quand même pas rien non plus. On parle d'un montant moyen qui se situerait autour de 2,80 $ par application téléchargée, que ce soit une vente unitaire ou une formule d'abonnement. Et pourtant, il me semble qu'on voit le 99 sous, mais on va... Non, on va essayer de voir s'il y en a une qui ressemble, qui est gratuite. On ne veut pas payer 1 $. Mais il y a des applications spécialisées aussi qui peuvent coûter peut-être 25-40 $, oui, des applications vrai. Médicales et autres éléments comme ça aussi. Donc, qui viennent quand même compter, qui s'adressent vraiment à des publics très, très, très précis et restreints. Donc, il y a aussi cette autre tangente-là qu'il faut garder en tête. Et le nombre de téléchargements, de manière générale, pour atteindre, bon, 139 milliards de dollars en 2014, 269 milliards en 2017, si la tendance se maintient. Évidemment, ce qu'on imagine aussi, c'est que la tendance devrait ralentir un peu après 2014. Donc, ce qu'on dit, c'est que les téléchargements moyens par appareils sont élevés les premières années quand les utilisateurs découvrent leur appareil, découvrent les applications. Et évidemment, au fil du temps, ben on arrête d'en accumuler. On sait à peu près l'utilisation qu'on en fait et on arrête peut-être d'en chercher autant. Donc, le défi, c'est pour maintenir cette croissance-là sur le court terme, d'augmenter le nombre d'utilisateurs de téléphones intelligents. Éventuellement, après ça, ça va ralentir naturellement. Oui, parce que quand tout le monde va avoir son téléphone, on va tous avoir nos applications. Au début, on est fou. On télécharge à peu près tout, mais après, on stagne parce qu'on trouve qu'on en a trop. Oui, ou en fait, on connaît les besoins, donc on connaît l'utilisation qu'on va faire du téléphone intelligent, ouais. Disons-le comme ça. Et de temps en temps, ça devient peut-être de plus en plus difficile aussi d'aller découvrir des nouvelles applications intéressantes. Donc, oui, on se documente, il y a des magazines spécialisés, des éléments comme ça, mais reste que dépasser un certain niveau, il faut faire quand même une recherche active, ou sinon c'est par conseil d'amis quand on cherche encore des applications relativement précises. Mais comme tu dis, on se rend compte de ce qu'on a besoin. Moi, j'ai pas besoin de niveau, finalement, sur mon téléphone. Moi non plus, je l'ai effacé. Ouais, moi aussi. J'ai pas besoin. J'ai effacé la langue de poche depuis qu'elle est intégrée, donc voilà. Et là-dedans aussi, c'est ce que je me dis toujours quand je vois des palmarès comme celui que je vous fais ce soir, c'est qu'on voit pas non plus le nombre de fois où les applications ont été effacées. Mm. On voit juste le nombre de fois où elles ont été téléchargées. Donc, si on la télécharge, on l'essaie, on l'aime pas, on l'efface, ça compte quand même pour un téléchargement. Il est possible aussi qu'on multiplie les plateformes. Par exemple, si on a la tablette, on peut re-télécharger des applications qu'on a déjà. Exactement. Et parallèlement, en fait, les deux plateformes majeures dédiées aux applications mobiles, bon, le App Store et le Google Play, comptent à peu près plus d'un million d'applications chacun, 2,5 milliards de téléchargements pour Google Play. S'ils ont dépassé l'App Store d'Apple au cours des derniers mois de 2013, c'est selon le cabinet Distimo. Cependant, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'App Store concentre les deux tiers des revenus générés par les applications mobiles. Donc, c'est à garder en tête aussi. Ça veut dire qu'Apple déclare, début janvier, après avoir réalisé en 2013 un volume d'affaires de 10 milliards de dollars grâce à sa boutique d'applications. Et sur ce 10 milliards-là, ben, il y en a 30% qui sont versés aux développeurs. Donc, c'est quand même pas rien non plus. Si on reste un peu dans tout ça, donc ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on parle d'à peu près de 2,9 millions de développeurs d'applications dans le monde. Donc de gens, ce soit des gens dans leur sous-sol à une grosse firme qui développent des applications ou au moins une application. Donc on parle en 2013 à peu près 760 000 développeurs mobiles en Asie. Donc l'Asie qui devançait l'Europe et l'Amérique du Nord, qui en comptait chacun à peu près 680 000. Il y en avait 70 000 en Afrique, 80 000 en Amérique latine également. Ça, c'est selon des chiffres de Vision Mobile. Et Gigacom Research ont fait, eux, un rapport pour la Commission européenne. Et eux ont évalué, pour leur part, à 1 million le nombre de développeurs concernés par l'économie des applications mobiles. Donc, si on y va simplement en Europe. Donc, essentiellement, il y a beaucoup de monde qui en développe. Gardons-le en tête. C'est ce qu'on se rappelle. Et si on reste un peu là-dedans, on estime qu'à peu près 44% des développeurs de logiciels travaillent désormais au développement d'applications mobiles. Donc 8 millions de développeurs qui ne sont pas nécessairement impliqués à temps plein, mais qui en font aussi. Donc ça amène également un gonflement important des chiffres. Et évidemment avec ça, ben il y a un autre phénomène qui se met en place, c'est la concentration des revenus autour de certaines applications. Donc selon une enquête qui avait été développée autour à près de 10 000 développeurs dans 137 pays, les revenus des 2,9 millions de développeurs d'applications dans le monde sont concentrés. Donc, en 2014, il y a 3% de ces développeurs-là qui dégagent des revenus supérieurs à 100 000 $ par mois et par application, et 28% qui dégagent des revenus qui oscillent entre 10 000 et 100 000. Donc, c'est essentiellement 3% des développeurs qui ont vraiment des revenus intéressants, des revenus importants. C'est comme l'économie mondiale. Et 28% mondiale. Qui ont des revenus un peu plus intéressants. C'est comme l'économie normale, des personnes, finalement. Ça se ressent même dans les applications. Oui, puis ça veut dire, en fait, qu'il y a quelques gros joueurs, mais au bout du compte, qui sont peu nombreux. Et donc, essentiellement, si on regardait dans nos téléphones, ben, il y a des applications que tout le monde ont. Et ben, c'est ces applications-là qui concentrent les revenus. Et ensuite, on tombe dans d'autres types, dans d'autres genres, dans d'autres approches d'applications, si on peut dire. Et donc, une utilisation peut-être un peu plus personnelle, entre guillemets. Celles qui sont plus utilitaires, disons, qui... plus spécialisé, plus ou un grand succès, moins diffusé. Grand succès commercial comme Angry Birds, par exemple, on peut en parler. Et ben, sinon, en fait, on parle évidemment de défi de faire connaître justement les applications. Et ce qui est intéressant, en fait, ça c'est dans un rapport publié sur Proxima Mobile, l'essor des magasins d'applications comme l'App Store ou Google Play a suscité le développement d'intermédiaires. Parce que, veux pas, s'il y a 1 million d'applications à peu près et plus sur les deux, eh bien, pour moi, réussir à en trouver des nouvelles, à part si je me documente avidement dans des magazines spécialisés, eh bien, il n'y a pas 36 000 moyens à part faire fouiller, se promener, chercher par mots-clés. Et donc, ça a amené plusieurs développeurs à dire, bon, on va faire des applications pour promouvoir l'utilisation d'autres applications. Donc, les trucs genre app gratuite, ouais. App for free, etc., etc. Et tranquillement, il semble-t-il que à App Store et Google ont changé, ou du moins, surtout du côté d'Apple, disons, resserré les règles face à ce type d'application-là. L'exemple que Proxima Mobile nous donne, c'est App Gratis, qui a été exclu de l'App Store d'Apple quelques jours seulement après avoir levé 10 millions d'euros en revenus. Donc, App Store qui proposait évidemment à des marques de promouvoir leurs applications. Chaque jour, elle rendait gratuite une application habituellement payante. Et après avoir généré donc des recommandations, atteint une grande audience, finalement, ben Apple a changé un peu ses règles. AppFire, donc, qui faisait l'application, ont été obligés, eux, de se redéfinir, si on peut dire, dans ce marché-là, de développer d'autres manières de promouvoir les applications. Donc, il y a un resserrement des règles qui rend peut-être un peu plus difficile le travail de ce type d'intermédiaire-là, mais qui développe aussi d'autres marchés, justement, pour des intermédiaires, pour faire connaître, développer, pousser des marques, pousser des applications pour réussir à permettre à certains joueurs de sortir un peu la tête de cet immense marché-là. Ah oui, parce que ça devient extrêmement difficile. Et le problème, c'est que souvent, quand on fait une recherche, c'est les plus populaires qui sortent en premier. Donc, on peut pas dénicher l'application, la perle rare, qui va vraiment nous venir nous chercher. On va prendre les plus populaires, finalement. Et ce qui est intéressant aussi à travers ça, c'est un autre grand débat qui est lié un peu aussi à la question très large de la neutralité du net. Il y a eu des rapports qui ont été émis en Europe, notamment là-dessus. Et ils se questionnent à savoir, est-ce qu'on est face à, disons, un certain monopole dans ce marché-là? Donc, l'essor des boutiques d'applications attire donc l'attention d'autorités de la concurrence. Les plateformes propriétaires deviennent des écosystèmes économiques et jusqu'à maintenant, ils sont pas soumis à des règles établies par les sociétés qui les ont créées. Donc, pas nécessairement de transparence ou pas autant, en fait, c'est d'entreprises privées au bout du compte. Alors, début 2013, il y a du côté européen, le président de l'autorité de la concurrence avait annoncé s'intéresser à l'écosystème fermé des applications mobiles. Il a soumis en mars 2013 un rapport concernant justement la neutralité du net donc on avait recommandé via le Conseil national du numérique d'étendre le principe de neutralité des réseaux aux services d'accès et de communication ouverts au public, c'est-à-dire, et je cite, aux services d'accès à d'autres services dont l'usage se généralise dans la population, donc qui viendrait intégrer les marchés d'applications. Plus récemment, le Conseil national du numérique en France s'interrogeait sur l'usage qu'aurait fait Google de sa boutique d'applications Google Play pour dissuader certains constructeurs asiatiques d'utiliser des versions dérivées d'Android. On se pose un peu de questions de ce côté-là. Un autre exemple, la société portugaise Aptoid, qui édite une boutique d'applications pour Android, a déposé en juin 2014 une plainte devant la Commission européenne pour abus de position dominante. Donc essentiellement, ce qu'Aptoid reproche, c'est à Google d'installer des barrières à l'entrée de son système d'exploitation pour inciter les utilisateurs à passer par le Play Store plutôt que par d'autres boutiques d'applications. Donc on estime que ça devient un peu plus complexe, on peut dire, pour l'utilisateur d'installation. Hors du Google Play Store, il y a des difficultés. On dit, ben regardez, vous nous rendez pas service, ça devient trop difficile et au bout du compte, on est désavantagé dans ce contexte de mise en marché-là. Mais tu dis ça, j'avais l'impression qu'il y avait absolument aucun autre magasin d'application. Moi aussi. On vient d'apprendre que ça existe, en fait. Ils ont bien fait de déposer une plainte. Et donc, dans le fond, de quelle manière on réussit à démêler ça? De quelle manière on s'assure qu'il n'y a pas nécessairement une position dominante, et surtout dans un contexte où on est deux, on connaît essentiellement deux marchés d'applications. Donc, comment en faire connaître d'autres dans un contexte où les deux sont établis de manière quand même extrêmement dominante? Alors, évidemment, c'est des questions pour des spécialistes, tout ça. Ce sera intéressant de voir les réponses. Évidemment, il y aura des suites si, donc, la Commission européenne, si les autorités financières commencent à s'intéresser un peu à ces éléments-là. Mais il y aura peut-être tranquillement, donc, des modifications ou des réflexions qui seront menées face, justement, à ce marché-là dans des budgets plus larges et dans des réflexions plus larges sur l'Internet. Alors, on prend nos téléphones, on télécharge les applications en réfléchissant à tout ça. Et sinon, eh bien, on invite les gens à aller faire un tour sur le site de l'ITIS. On retrouve, entre autres, les chroniques. Oui, itis.ulaval.ca. Et Raymond, la semaine prochaine, on a une invitée avec nous. Oui, on va parler de l'utilisation faite par les partis politiques québécois des médias sociaux. On va retourner à l'élection 2012, qui était, pour plusieurs chercheurs, en fait, la première véritable campagne qui faisait usage des médias sociaux en province. On va voir qui s'en est bien servi ou non. En tout cas, je l'espère. Raymond Poirier, chargé de communication à l'ITIS, merci beaucoup. On se reparle donc la semaine prochaine.